Bienvenue à l'écoute de cette édition spéciale en synergie des médias de ce jeudi 8 mai 2025. Cette synergie est centrée sur l'état des lieux de l'exercice du droit d'accès aux sources d'information conformément à la législation du pays. En 2021, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a rencontré les responsables de médias et les membres du Conseil national de la communication et a témoigné que les médias ont un rôle primordial dans la vie du pays sous le slogan « Jamais sans les médias ». Dans cette édition, vous entendrez les points de vue des uns et des autres sur l'exercice de ce droit par les journalistes actuellement. Participez dans cette synergie, les rédactions des 6 médias, à savoir la radio Isanganiro, la radio Bonesha FM, la radio Rema FM, la radio Shima FM de Rumonge, Agaseke de Ruyigi et Remesha Mahoro de Kirundo. À la mallette du son se trouvent Zena Bukuru et Jean-Baptiste Hatungimana. Allons désirer Bukeneza. Et à la réalisation, à la présentation, vous êtes avec Sonia Kamikadi en collaboration avec Grace Wikolimana, bienvenue. Oui, nous commençons cette synergie des médias sous le slogan « Jamais sans les médias ». Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a rencontré jeudi 28 janvier 2021 les responsables des médias et les porte-parole des institutions publiques. À cette occasion, il a témoigné que les médias ont un rôle primordial dans la vie du pays. Evariste Ndayishimiye, président du Burundi, avait instruit le Conseil national de la communication (CNC) à s'asseoir ensemble avec les médias qui étaient suspendus ou en situation de sanction à l'époque pour vider ces questions. Écoutez ces précisions. Il est traduit en français par Jean de Dieu Ilakodze. Ce que je vous dis, Je vous promets de trouver des solutions à nos différences intérieures. Il y a des médias qui ont été sanctionnés. Que le CNT s'assoie avec leurs responsables pour que ce dossier soit clôturé. Mettons-nous au travail. C'est du passé qu'il faut condamner et corriger. Qu'il y ait des pourparlers avec le CNC et que ces médias s'engagent dans le développement, car nous pouvons témoigner que les médias ont un grand rôle à jouer dans le pays. C'était le président de la République, Evariste Ndayishimiye, dans la traduction française et de Jean de Dieu. Il a causé. Certains journalistes déplorent que la devise du chef de l'État, Jean Messon le Média, n'est pas comprise dans la même manière par ceux qui détiennent de l'information. Ces journalistes se plaignent des difficultés à obtenir des informations, surtout celles provenant des autorités, ce qui les pousse à ne relayer qu'un seul point de vue, une situation qui nuit à la profession journaliste. Il demande qu'une loi soit instaurée pour sanctionner toute personne reconnue coupable de rétention d'informations. Suivez ce micro-trottoir. Il y avait eu une lueur d'espoir avec la déclaration du chef de l'État selon laquelle jamais ça les médias. On avait espéré que le paysage médiatique, sinon le terrain de collecte d'informations, allait changer. Mais c'est paradoxal. Il y a une méfiance qui s'installe petit à petit entre journalistes et détenteurs de l'information qui sont les délégués des pouvoirs publics. Et ce qui est bizarre, c'est cette injonction selon laquelle un journaliste qui se rend dans une commune ou dans une province quelconque, il est obligé de demander encore une fois une permission aux responsables de l'administration territoriale. Chose contraire à l'obligation du métier d'informer, parce que comment est-ce qu'un journaliste qui dispose de la carte de presse, qui est enregistré au registre des médias, peut être demandé ou exigé de demander encore une fois une permission de travail sur le territoire national? Je dirais qu'il y a un chevauchement entre l'organe supérieur et l'organe inférieur. Nous avons un problème d'accéder à l'information. D'abord, la population, les autorités aussi, nous ne donne pas des informations que nous avons besoin. Avant d'y aller, on doit les téléphoner, on les demande en interview. Ils nous donnent une autre personne, lui aussi il nous refuse. Les conséquences, c'est que nous diffusons des informations non équilibrées. Quand on va à l'archive de l'information, on a vu ces derniers jours les journalistes qui sont arrêtés, malmenés, violentés, sans que les services habilités puissent donner une lumière sur cette arrestation. Et là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon à entendre. Dans un pays qui se dit démocrate, je vois que l'accès à l'information est vraiment très difficile chez nous. Là, je parle d'un exemple récent, là où l'un de nos confrères a été malmené au campus de Mutanga dans une institution publique. C'est quelque chose de déplorable. J'apprécie positivement, d'une part, l'accès à l'information, parce que lorsque nous allons recueillir les données sur terrain, la population en général répond favorablement et donne son avis sur un thème ou un sujet posé. Mais il arrive des fois que les autorités administratives ne répondent pas à nos sollicitations. La conséquence est que, en tant que journaliste, tu as une information qui n'est pas équilibrée. Le rôle revient à l'État, le rôle revient au ministère ayant la communication dans ses attributions pour sensibiliser ses responsables, détenteurs de l'information. Tout simplement, c'est que les autorités, les différentes autorités administratives acceptent facilement de donner leurs avis pour des questions données telles ou telles. Il est urgent qu'il y ait l'institution d'une loi portant obligation de donner l'information aux journalistes, des sanctions exemplaires aux détenteurs de l'information qui refusent de communiquer et à ce genre-là qui malmène les journalistes en exercice de leurs fonctions. Les moyens limités dans les médias, les autorités qui retiennent des informations et les menaces dans les médias sont les uns des défis auxquels font face les journalistes à la recherche d'informations. Cela est dit par Kavumba Goujan-Claude, directeur de Netplace. Il affirme que les médias optent de ne pas balancer quelques informations par manque d'équilibre et ce sont les citoyens qui sont les perdants. Suivez Jean-Claude Kavumbagou, directeur du journal Netpress. La liberté de la presse dans ce pays, elle pose problème parce qu'on n'a pas accès à l'information. Pourquoi ? Parce que les détenteurs de l'information ne la délivrent pas facilement. Dans les différentes émissions, il y a très peu de dignitaires qui répondent favorablement à vos invitations. Il y a les tensions de l'information. Et puis, il y a d'autres formes d'intimidation. C'est notamment quand un conseil des ministres a fait ce qu'on appelle des pénalisations des délits de presse. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas distingué les époques. Mais le 9 décembre, à Gitega, les journalistes, par le biais de leurs dirigeants, ont appris que s'il y a mauvais traitement, désinformation en rapport avec les élections, surtout les résultats, la prison est envisageable. Quelque part, il y a des blocages à l'accès d'informations. Le journaliste est aujourd'hui obligé de donner des fois des informations incomplètes ou alors d'abandonner tout simplement les informations parce qu'il n'y a pas d'équilibre, il y a un défaut de source d'informations. On a besoin que les dirigeants soient sensibilisés pour comprendre que donner l'information, c'est même une obligation civique. Les populations qui ont élu ces dignitaires veulent savoir comment est géré le pays et c'est de leur droit. Ce n'est pas une faveur. Un vrai journaliste, c'est celui qui fait le terrain. Si on n'a pas de moyens, on ne peut pas se déplacer. Et puis, il y a d'autres formes de journalisme qu'on pratiquait avant, mais ça n'existe plus. C'est le cas du journalisme d'investigation. S'il y avait un peu de soutien en matière de moyens, ça serait très bien. Parce que là, on a l'impression que le chef de l'État comprend le bien fondé des médias, mais les intermédiaires, peut-être, ne comprennent pas suffisamment. Voilà, et les moyens limités dans les médias, les autorités qui retiennent des informations et les menaces des médias sont les uns des défis auxquels font face les journalistes à la recherche d'informations. Cela est dit par Jean-Claude Kavumbagou, directeur de NetPlus. Il affirme que les médias optent de ne pas donner quelques informations par manque d'équilibre et ce sont les citoyens qui sont les perdants. Les journalistes burundais doivent se mettre ensemble et créer une organisation pour défendre leurs droits. C'est le point de vue d'Esdras Ndikumana, journaliste burundais qui travaille à la Radio France Internationale. Selon lui, il y a un changement de la situation comparablement aux années antérieures car les journalistes ont peur de toucher les sujets sensibles. Je vous prie de suivre Esdras Ndikumana. Si je compare à ce que le Burundi était devenu dans les années 2000-2005, hein, où le Burundi était donné un modèle dans la région, si je compare avec ce qui se passe aujourd'hui, notre pays a fortement reculé. Les journalistes ont peur de traiter tous les sujets sensibles. Un pays ne peut pas se développer sans une presse libre, indépendante et juste, modérée, qui lui permet de comprendre ce qui ne va pas. Le rôle de la presse est bénéfique pour un pays qui veut se développer. Parce que les journalistes pointent justement là où ça ne voit pas, là où le président, par exemple, ne voit pas. Et c'est ça le principal rôle du journaliste, d'être un chien de garde de la démocratie, de la liberté. Déjà, je vous félicite pour le travail que vous abattez. Il faut que les journalistes s'organisent, qu'ils approchent les autorités et qu'ils disent fermement, mais calmement et avec politesse. Esdras Ndikumana, il y a encore des autorités administratives qui refusent de donner de l'information, ce qui entraîne un impact négatif dans la société. C'est le point de vue de Stani Nahai, directeur de la radio Ndiragakura. Pour lui, ces autorités devraient savoir que les journalistes sont là pour servir le pays. Suivez Stani Nahai, directeur de la radio Ndiragakura. En général, je dirais que l'accès aux sources d'information est généralement bon. Toutefois, il y a ce qu'on appelle la rétention d'information pour certains responsables administratifs. Dans certains cas, la rédaction propose un sujet X qu'on va traiter dans n'importe quel secteur de la vie nationale. Arrivé chez la personne des ressources, il refuse de donner l'information. Je dirais que ce n'est pas une bonne manière, puisque quand la rédaction propose un sujet, c'est que ce sujet a une valeur ajoutée sur la vie de la population, puisque les journalistes travaillent pour la population. On dit que nous sommes des chiens de garde. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le secteur X, nous sommes là pour dénoncer, pour éclairer l'opinion sur la situation qui prévaut dans tel ou tel secteur en rapport avec le développement du pays, avec l'économie. En ce qui concerne la rétention de l'information, quand ça devient une routine, c'est normal. Mais alors, la population se confie aux rumeurs, aux réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux donnent toujours des informations vraies? C'est une question. Alors, pour éviter tout ça, il faut que les autorités administratives donnent des informations et évitent la rotation de l'information. La maison de la presse du Burundi demande que le processus du projet de loi sur l'accès à l'information soit accéléré. La présidente de la maison de la presse, Mireille Kanyang, expliquait cette demande en raison de certains détenteurs d'informations qui n'ont pas encore saisi l'importance de donner l'information, notamment ceux qui organisent des conférences de presse en limitant le nombre des médias invités. Elle rappelle que la rétention de l'information peut avoir de graves conséquences, et notamment la diffusion d'une information non équilibrée. Suivez Mireille Kanyang, présidente de la Maison de la Presse. Aujourd'hui, l'accès à l'information facile, difficile. Laissez-moi commencer par le facile. Mon référent sur le slogan de Son Excellence le Président de la République du Burundi qui a annoncé, qui a déclaré le jamais sans les médias. Alors, il y en a qui ont compris le message, ont compris le slogan du numéro 1 burundais, qui ont cherché d'ailleurs même sous leur initiative des porte-paroles, qui ont pris l'initiative de parler de ce qui est dans leur ministère. Si je dois aborder aussi le difficile. Je voudrais dire qu'il y en a qui n'ont pas jusqu'ici compris le bien fondé, le rôle du journaliste, qui retiennent cette information alors que l'information est un bien public. Et nous référons sur ce slogan du numéro 1 burundais, toute personne, toute institution devrait communiquer, prendre l'initiative de communiquer ou donner cette information quand le journaliste va vers cette institution. Nous savons qu'il y a en projet de loi sur l'accès à l'information, que le processus, disons, soit accéléré, que cette loi puisse voir le jour. Nous pensons qu'il n'y aura plus de rétention d'informations. Je demande donc à ces détenteurs des informations de livrer ces informations, sinon le journaliste sera amené à être partial, sinon il y aura des rumeurs qui vont se propager. Donc, pour le bien de la nation, pour le bien du pays, pour le bien de ce métier de journaliste, il faut que le détenteur de l'info puisse la donner. À 13h passé de 21 minutes, nous poursuivons cette synergie des médias qui est centrée sur l'état des lieux de l'exercice du droit d'accès aux sources d'information conformément à la législation du pays. Des habitants de la ville de Gitega saluent le travail des médias burundais. Ces derniers demandent toutefois aux autorités de laisser les journalistes travailler librement pour le développement du pays. Suivez ce micro-baladeur. On apprécie, mais on a l'impression qu'on nous donne que le résumé des informations. On n'a pas vraiment l'impression d'être informé sur tout ce qui se passe au pays. Il y a des informations qui passent, mais pas en détail, comme devrait être au courant tout citoyen du Burundi, si je peux le dire ainsi. Par exemple, si je suis à Bujumbura, je devrais être informé sur ce qui se passe à Gitega, que ce soit dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la santé, mais je ne pense pas que ce genre d'information est publié à la population quotidiennement. Je me dis que si on est burundais ou burundaise, on est censé être informé, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien dans la capitale, à Bujumbura. Je trouve qu'il devrait être beaucoup plus spécifique et essayer d'être au courant aussi sur ce qui se passe partout. Si je suis à Bujumbura, je suis censé savoir ce qui s'est passé hier à Changu. Comme ça, je me sens impliquée, je me sens vraiment que je suis un Burundais ou une Burundaise informée. Ce qu'on entend pour les médias, les réseaux sociaux, n'est pas du tout favorable parce qu'il y a des missions qu'on entend mais à base d'aide fonds données, mais avoir donc des précisions. Nous voulons donc une amélioration afin que nous puissions quand même entendre tous les points. Les informations que les médias actuels nous donnent aujourd'hui, ça nous dit des mots qui bâtissent le pays. Parce qu'on nous fait des informations au niveau de l'agriculture, de l'élevage et de l'actualité nationale et internationale. En soi, on demande qu'on laisse les journalistes et les chefs de médias à faire le travail pour que chaque citoyen puisse avoir toutes les informations nécessaires. Selon le parti KDFDD, les journalistes doivent avoir accès aux sources d'informations pour que la population puisse consommer des informations bien fouillées et équilibrées. Généreuse Nahimana, présidente de ce parti, le dit en se référant au slogan du chef de l'État, Jean Messon, les médias, et les propose qu'il y ait une loi qui permettrait aux journalistes d'accéder aux sources d'informations. On l'écoute. L'accès des médias aux sources d'informations est signe de démocratie saine. Les journalistes doivent pouvoir interroger toutes sources pertinentes afin de fournir une couverture équilibrée et précise des événements. Cependant, cet accès peut parfois être entravé par des restrictions gouvernementales. Il y en a à améliorer. Premièrement, l'administration devrait adopter des politiques de transparence qui facilitent l'accès des journalistes aux informations publiques. Cela inclut la publication régulière des documents et des données. Les journalistes doivent être protégés dans leur métier. Il faut former la population sur l'importance de la communication avec les médias. Cela peut aider à comprendre comment fournir des informations. Il faut encourager l'utilisation des plateformes numériques et des réseaux sociaux pour partager des informations. Cela permet d'atteindre un public plus large et de diffuser des informations rapidement. Jamais sans les médias, souligne l'importance de cette relation pour un fonctionnement démocratique efficace. C'était Généreuse Nahimana, présidente du parti KDFDD. Quant à Jean de Dieu Moutabadi, président du parti Radebou, le Burundi est mieux placé dans la sous-région en ce qui est de l'accès à la source d'information et de la liberté de la presse en général. Il l'explique par les émissions publiques des porte-parole de la présidence qui donne la parole aux journalistes, mais trouve cependant une nécessité d'amélioration pour que les médias contribuent au mieux dans le développement du pays, comme ils sont le quatrième pouvoir. Je vous prie de suivre Jean de Dieu Moutabadi. Il est le président du parti Radebou. Pour nous, au niveau de l'accès de l'information par les journalistes, elle est bonne comparativement à la sous-région de l'East African Community. Quand je regarde comment les journalistes sont chaque fois invités pour couvrir les activités du chef de l'État, les activités de l'Assemblée nationale, du Sénat, les activités du gouvernement et de la magistrature, les médias, les journalistes sont invités dans les émissions publiques couvertes par les porte-parole des différentes institutions. C'est un exemple que, au niveau médiatique, l'espace est large, mais pour nous c'est pas assez, d'autant plus que nous sommes dans un pays démocratique, il y a moyen d'élargir. Nous ne devons pas oublier que les médias c'est le quatrième pouvoir, comme les gens ont l'habitude de le dire, à côté des trois pouvoirs reconnus, c'est-à-dire le législatif, l'Assemblée nationale et le Sénat qui votent les lois, lesquelles lois sont mises en exécution par l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, mais sont mises aussi en exécution par le judiciaire qui est habilité à trancher. Mais ce quatrième pouvoir, comme c'est un pouvoir qui équilibre aussi d'autres, comme on le dit, c'est la voix des sans-voix. Il informe non seulement les Burundais sur l'état de la vie nationale, sur ce qui se passe, mais il informe aussi les étrangers. Mais nous ne devons pas oublier qu'ils ont des limites parce qu'il y a des domaines qu'on appelle des domaines qui relèvent du secret d'État, le secret défense, pour sauvegarder la sécurité du pays. Donc on ne pourrait pas dire qu'il faut leur ouvrir tout l'espace parce qu'il peut y avoir des abus, mais il faut élargir l'espace, mais garder certaines limites. Jean de Dieu Moutabadi, président du parti Radebou. Le président du parti Prona, Olivier Nkurunziza, trouve que les dirigeants qui refusent de donner de l'information sur un sujet quelconque, cela montre quelque chose caché derrière la situation présente. Pour lui, cela cède la place aux rumeurs. Suivez Olivier Nkurunziza, le président du parti Prona. Au niveau du parti Prona, d'abord, quand nous évaluons aujourd'hui le métier du journalisme au Burundi et la liberté de la presse, aujourd'hui, il y a beaucoup de radios, même les radios communautaires. Mais ce que nous avons constaté est qu'il y a toujours l'autocensure. C'est-à-dire que les journalistes travaillent avec beaucoup de peur. Quand vous comparez la situation d'avant 2015 et après 2015, vous constaterez qu'effectivement, il y a la régression parce que le journalisme d'investigation, l'autocritique. Aujourd'hui, chaque journaliste, quand il donne de l'information, il a la peur d'être poursuivi. Nous avons constaté aussi qu'il y a les institutions de l'État qui ne donnent pas des informations. Alors cela montre que ça cache quelque chose, c'est-à-dire que dans ces institutions, il y a le déroulement des choses cachées qui ne veulent pas être mises à jour ou au grand jour pour que la population burundaise sache effectivement ce qui s'effectue. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la liberté des journalistes, mais aussi qu'ils travaillent d'une façon professionnelle et dans le strict respect de la loi qui régisse le journalisme et les radios ici au Burundi. Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, et Gabriel Luftili, président de l'OLUCOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, dit que la mise en œuvre de la loi sur l'accès à l'information publique progresse lentement. Il appelle à la protection des journalistes et à une application effective de cette loi. Suivez à ce propos Gabriel Luftili, président de l'OLUCOM. Au Burundi, aujourd'hui, vous voyez qu'il est très difficile qu'un média fasse vraiment des investigations approfondies. Les médias doivent faire l'investigation, ce qui n'est pas le cas actuellement dans la plupart des cas. D'où, pour certains, ils font de l'autocensure par peur, mais je pense qu'ils doivent vraiment prendre courage en vue de garantir et de stabiliser la démocratie et la gouvernance. S'ils peuvent vraiment se passer des scandales comme ceux que nous avons entendus, eh bien, c'est vraiment un grand problème. C'est pour cette raison que nous faisons un appel vibrant d'abord aux journalistes de garder le courage, mais aussi aux autorités de garantir la sécurité des journalistes, mais aussi de faire d'urgence avancer le projet de loi portant accès à l'information publique, parce que ce projet de loi, une fois voté, va beaucoup vraiment contribuer à faciliter le travail des journalistes et des médias, parce que les journalistes travaillent pour le compte des citoyens, ont envie d'avoir une loi qui les protège et qui garantit les droits des citoyens, parce que avoir les informations, c'est un droit. Gabriel Loufsiri, président de l'OLUCOM, selon la plateforme intégrale de la société civile du Burundi, puisque Burundi, quelques lacunes persistent dans la collaboration entre les pouvoirs publics et les professionnels des médias, dans la collecte d'informations, ce qui bloque la population à accéder à l'information. Jean-Marie Ndouimana, président de cette plateforme, rappelle aux journalistes de respecter le code et la déontologie régissant cette profession pour qu'ils ne servent pas de prétexte et refus à l'accès de l'information par ses mandataires publics. On l'écoute. Au sein de la piste Kibundi, nous affirmons que les médias jouent un grand rôle, qui reste toujours le pilier indispensable pour le développement du pays, notamment dans la reconstruction du pays et la réconciliation nationale, mais dans le respect des lois et règlements régissant la profession du journalisme. Cela est possible lorsqu'il y a une collaboration étroite entre les institutions républicaines et les médias pour servir le peuple burundais. Alors l'impact ne manque pas dans l'exercice de leurs fonctions, car certains journalistes trouvent des difficultés dans la recherche de l'information, ou les partenaires, les agents administratifs qui devraient donner de l'information ne collaborent pas ou ne donnent pas de l'information par ignorance, par mauvaise foi ou par négligence, alors que tous sont des invités du peuple en général. Cela est un défi majeur au moment où les médias jouent un grand rôle dans le maintien de la paix et la sécurité. Ils jouent également le rôle de médiateur entre les parties en conflit. S'ils ne parviennent pas à accéder à toutes les sources d'information, c'est un problème sérieux qui entrave le développement du pays. Alors, au sein de la piste Burundi, nous recommandons les médias de respecter les lois et les règlements gestionnaires des professions. Aussi, nous recommandons les institutions républicaines d'être réflexibles, d'essayer à collaborer avec les médias pour travailler ensemble, bien sûr, pour le bien-être du peuple burundais. Cette synergie des médias continue. Le journaliste exerce son métier en toute indépendance et en toute responsabilité sur l'ensemble du territoire du Burundi. Cela est prévu par la loi numéro 1/21 du 12 juillet 2024 régissant la presse au Burundi, chapitre des droits et des obligations du journaliste. Les détails du contenu de cette loi avec Phineas Ndayishimi. Le paragraphe 1 du chapitre 5 de la loi numéro 1/21 du 12 juillet 2024 régissant la presse au Burundi précise les droits du journaliste. L'article 51 de ce paragraphe stipule que le journaliste exerce son métier en toute indépendance et en toute responsabilité sur l'ensemble du territoire du Burundi. Les correspondants de presse et les envoyés spéciaux des organes de presse étrangères ou de l'un des pays membres de la communauté est-africaine sont libres de couvrir tous les événements se déroulant au Burundi sous réserve des dispositions relatives à l'accréditation. L'article 52 de cette même loi stipule que dans l'exercice de son activité, le journaliste a libre accès aux sources d'informations. Il peut enquêter et commenter librement sur les faits de la vie publique. Toutefois, il est tenu dans l'expression de cette liberté au respect des lois, des droits et des libertés d'autrui. La loi régissant la presse au Burundi, à son article 53, souligne que le journaliste a droit sur l'étendue du territoire national à la sécurité de sa personne et de son matériel de travail. En dehors des espaces et des objectifs légalement protégés, il ne peut lui être refusé le droit de filmer des événements, de publier et de commenter des informations à caractère public. À son article 56, cette même loi stipule que dans l'exercice de leur métier, les journalistes et les techniciens d'information ont droit à des facilités qui leur sont consenties par l'État en vue d'accomplir leur mission. La loi régissant l'accès à l'information devrait être mise en place dans le but de faciliter la tâche des journalistes. Et propos du professeur de l'université, en même temps spécialiste du droit des médias, Gérard Nahe, fait savoir que le projet de loi de l'accès à l'information se trouve dans l'Assemblée nationale et depuis 10 ans. Il demandait la promulgation de cette loi pour que les journalistes puissent exercer leur métier dans leur liberté. Suivez Gérard Nahe, spécialiste du droit des médias. À ma connaissance, il n'existe pas de loi sur l'accès à l'information publique au Burundi. Il semblerait qu'il y ait un texte en gestation depuis une douzaine d'années, mais il est encore en cours d'analyse ou d'adoption, de promulgation. Les lois sur l'accès à l'information publique renforcent la transparence et invitent les pouvoirs publics à rendre des comptes à leurs administrés et à combattre la corruption. Pour autant, l'impact réel de ces lois dépend de nombreux autres facteurs comme la garantie de la liberté de presse et la liberté d'association. Il est également nécessaire de poursuivre et condamner les agents publics dans les affaires de corruption ou encore de pallier les dysfonctionnements liés à la prestation de services publics. Mais l'accès à l'information publique n'est pas absolu, c'est-à-dire qu'il a des limites. Cela signifie qu'il existe des domaines qui échappent à son champ d'application. C'est le cas notamment de tout ce qui touche à la défense nationale, au respect de la vie privée, au secret médical. Ces secteurs-là sont protégés. C'est le gouvernement et le Parlement qui légifèrent. Ce texte-là est nécessaire et qu'à un moment venu, fera le nécessaire pour qu'il soit promulgué. Gérard Nahe, spécialiste du droit des médias et la présidente du Conseil national de la communication CNC, invite les détenteurs de l'information à fournir les informations possibles aux journalistes et en temps réel, car ces derniers contribuent énormément au développement du pays. Espérance Ndaïdé est présidente de cette institution, demande néanmoins aux journalistes de faire preuve de professionnalisme chaque fois qu'ils sont en contact avec les sources d'informations. Je vous prie d'écouter Espérance Ndaïdé, présidente du CNC. Je voudrais d'abord saluer ce slogan de son excellence, le président de la République, qui a compris que le rôle des médias est primordial dans la société pour le développement du Burundi. Et je salue aussi le fait que son excellence, le président de la République, a déjà pris les devants et donné l'information aux journalistes en temps réel et sur tous les sujets. Cela devrait servir d'exemple à toutes les autorités, à tous les intervenants, à tous les détenteurs de l'information publique. Et je voudrais sensibiliser ceux qui n'ont pas encore compris le rôle des médias, ceux qui n'ont pas encore compris que les médias contribuent beaucoup à la vie de la population et au développement du Burundi, de se ressaisir et de donner accès aux médias à l'information qui est utile au développement de la population. Et aux médias, je leur demande de pouvoir faire preuve de professionnalisme chaque fois qu'ils vont approcher la source. Adopter des approches qui permettent de créer la confiance avec la source d'information. C'est cette confiance-là qui va permettre à la source de donner l'information une fois qu'elle est contactée. Aussi, adopter un comportement qui ne porte pas préjudice à la perte de confiance de la source. Le rapport mondial de Reporters sans frontières révèle une dégradation de liberté de la presse au Burundi. RCF précise qu'en espace d'une année, le pays est passé de la 108e position à la 125e place. Et oui, c'est par ici donc que prend fin cette synergie des médias qui était centrée sur l'état des lieux de l'exercice du droit d'accès aux sources d'information conformément à la législation du pays. En 2021, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a rencontré les responsables des médias et les membres du Conseil national de la communication et a témoigné que les médias ont un grand rôle primordial dans la vie du pays sous le slogan « Jamais sans les médias ». Dans cette édition, vous avez pu entendre les points de vue des uns et des autres sur l'exercice de ce droit par les journalistes actuellement. On participait dans cette synergie des rédactions de six médias, à savoir la radio Isanganiro, la radio Bonesha FM, la radio Rema FM, la radio Shima FM de Rumonge, Agaseke de Ruigi et Remesha Mahoro de Kirundo. À la mallette du son se trouvent Zena Bukuru et Jean-Baptiste Hatungimana, Alain Désiré Bukeyeneza était à la réalisation de cette édition. À la présentation, vous étiez avec Sonia Kamikadi. En collaboration avec Grace Bikorimana, passez un bon après-midi. Au revoir. Urunani kwa maradio mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi.